Chapitre 16. Troisième chant de Gudrun. Gudrunark vida tridja. Herkja était le nom d'une servante d'Atli qui avait été sa maîtresse. Cette Herkja est la Hersha ou Helche de la tradition germanique qui, dans les Nibelungen, est la première femme d'Etzel avant qu'il épouse Kriemhild, laquelle s'appelle ici Gudrun. Elle dit à Atli qu'elle avait vu Thiodrek et Gudrun ensemble. Atli s'en émut. Gudrun lui dit « Qu'as-tu donc, Atli, fils de Budli? Quel poids oppresse ton cœur? Tu ne ris plus jamais. Les Jarls seraient plus satisfaits si tu parlais aux guerriers et si tu me témoignais ton amour. » Atli « Voici ce qui m'afflige, ô Gudrun, fille de Gjuki. Herkja m'a dit que tu t'es couchée dans un même lit avec Thiodrek. » Et qu'infidèle, tu t'es caché sous le même drap. Gudrun, je suis prête à jurer par la pierre blanche de l'épreuve sacrée que je n'ai point accordé au fils de Dithmar ce qui n'appartient qu'à mon maître et à mon époux. Je n'ai embrassé ce prince sans reproche qu'une seule fois, et tandis que nous causions à deux dans la salle, nos discours étaient innocents. Thiodrek vint ici avec 30 guerriers. Tous les 30 ont cessé de vivre. Fais-moi entourer par tes frères revêtus de leurs cuirasses et range autour de moi tous tes nobles parents. Fais venir ici le chef des Saxons qui habite vers le sud. Il sait consacrer, lui, la chaudière bouillante. 700 guerriers se réunirent dans la salle avant que la reine plongeât sa main dans la chaudière. Gudrun. Gunnar n'est pas près de moi et je ne puis adresser mes plaintes à Högni. Je ne verrai plus mes frères chéris. Ah, l'épée de Högni me vengerait de cette offense, mais maintenant c'est moi seule qui dois me justifier de cette accusation. » Elle plongea sa blanche main dans la chaudière et en retira les pierres semblables à la prunelle de l'œil. « Voyez, guerrier, mon innocence est prouvée par des signes sacrés et certains. » Le cœur d'Atli bondit de joie dans sa poitrine quand il vit les mains de Gudrun intactes et sans brûlure. Maintenant, Herkja subira l'épreuve, elle qui a voulu perdre ma femme innocente. Rien d'aussi lamentable que de voir les mains de Herkja se brûler dans l'eau bouillante. On conduisit la jeune femme vers le marais bourbeux pour l'y enterrer vive. Ainsi fut vengée l'offense de Gudrun.